regarder smiley. Ouais, ouais, ouais. Pas besoin de se lever du bon pied, boy. Aïe, aïe, aïe, aïe. Chaque jour que tu fais, yeah, je m'efforce de l'honorer. Cette fois, je ne peux qu'y adhérer. Sans effort à procurer. Comment oublier ces réveils-là? L'impression que tout est dispo pour toi. Les fois où le brouillard n'y est pas, le soleil t'éclaire la voie, te facilite les choix, la confiance qui guide tes pas, te rend le sourire, la joie que tu souhaites, la joie que tu mérites, la joie que tu projettes, la joie que tu désires, la joie que tu veux connaître. Quelle joie c'est celle de vivre, oui c'est cette joie qui m'unit. Des ressorts sous les pieds, mes affaires sur le dos, je démarre jamais trop tôt. Ouais c'est le matin donc pas question de me stresser. J'ai quand même la tête dans le cul, donc pas question de me bousculer. Des gens me regardent dans la rue, ma démarche dansée les fait rigoler. Je suis heureux, je me sens bien. Et j'en frissonne. Chaque